Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Et les gars de Vidon, là dont la question, vide le sujet des maudits épis. Tout ça et encore plus à assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Salut Mathieu Plante. Salut Kiwan. Ça va bien? Oui, toi? Oui, passez un beau palmarès cet après-midi. C'était un excellent palmarès. Le francophone me tient à cœur autant que l'anglophone. Je dirais que c'est comme deux de mes enfants dont j'aurais accouché après une longue journée de radio. Donc tu pourrais pas dire lequel t'aimes le plus. Tu peux pas choisir entre deux de tes enfants. Non, c'est comme le choix de Sophie. C'est pareil comme l'émission culturelle de Télé-Québec dans le temps. Ah, pareil. Il y avait un film qui s'appelait Le choix de Sophie. Il fallait qu'elle choisisse quel enfant elle voulait faire tuer ou quelque chose du genre. Ah ouais, pour vrai. Pas l'émission Télé-Québec, le film. Qui a inspiré le nom. Hey, aujourd'hui, à l'émission, c'est jeudi. C'est la dernière de la semaine. Et donc, à la fin de l'émission, comme à chaque jeudi, on va recevoir Stéphanie Gagné avec sa chronique « Ton plat favori ». On ne sait pas de quoi elle va parler aujourd'hui. C'est encore une surprise. Elle aime ça nous surprendre et on aime ça être surpris. Donc, ça tombe terriblement bien qu'on lui a demandé de nous garder la surprise. Donc, on va attendre son arrivée avec impatience. On va aussi avoir Vidon alors la question, la chronique humoristique de Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Et aujourd'hui, les gars parlent des maudits hippies. Ils vont vider de fond en comble cette question-là. Ils vont en parler de tout leur sens, toutes les places où il y a des poils. OK. Ouais. Donc ça va être dans Vidon là-dedans la question. Et tantôt, tu parlais de Télé-Québec. Hier, j'écoutais l'émission Voir. Ah oui, Voir Télé, là, oui. Ouais, puis j'avais une très bonne performance de Marat Tremblay. C'est rare que je joue du Marat Tremblay ici, mais on va en écouter tantôt dans quelques minutes. Ce sera pas bien long. Mais pour tout de suite, on va commencer avec deux extraits du palmarès anglophone. Il va y avoir du Islands, mais on va commencer tout de suite avec OK Go et la pièce What the Fuck. Ouais, What the Fuck. C'est un peu comme l'émission d'aujourd'hui, tu sais. On a dit que le plan d'aujourd'hui, c'est dans le fond un plat. Et le plan des plats est des... C'est un peu... Plouk. Plouk. Plan, plat, plouk. C'est nous deux les plouks. C'est ça. OK. OK, go tout de suite à l'assemblage. OK, go. Wow. Yeah. Islands avec la pièce Disarming the Car Bomb. C'est une nouvelle entrée, ça, je pense, ou en tout cas, c'est récent hein, dans le palmarès anglo, assez fou. Ça date de la semaine passée, si je me rappelle bien. Oui, c'est exactement ça. C'est un son quand même un peu différent de l'album Vapors en général, mais ça me rappelle plus un peu ce que Islands avait fait avant sur leur premier album. Ce que tu appréciais plus dans. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Ouais. Avant Islands, c'était OK Go avec WTF, deuxième extrait de leur album Of the Blue Color of the Sky. Hey Mathieu, en fin de semaine, samedi le 27, Yann Perrault va être de passage ici à Trois-Rivières. Hein, c'est à la Maison de la Culture, à la salle Anaïs Allard-Rousseau. J'ai vérifié tout à l'heure, il reste quelques billets, mais il en reste pas beaucoup. C'est pas très grand en plus, hein, la salle Anaïs Allard-Rousseau. J'aurais pensé que Yann Perrault pouvait faire plus grand. Mais bref, il reste quelques billets. Donc si les gens avaient l'intention d'aller voir M. Perrault, il faudrait se dépêcher pour réserver ses billets. Il reste des billets sur le Perrault. Le Perrault. Ah, bien sûr, Jacques. Donc, on va écouter, nous, un extrait d'un album live. Donc, pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'aller le voir, peut-être, ça pourra vous donner... Ça pourra vous consoler. Oui, c'est ça. Bien sûr. Bon, écoutez, L'amour est une bombe, qui est l'extrait de son premier album, Western Romance, version live. Mais juste avant ça, comme on en avait parlé un peu plus tôt, on va écouter une pièce de Marat Tremblay, la pièce Le printemps des amants, tout de suite à Assemblage requis. Yeah, dans ma tête. Chemin à cette voix qui nous unit pour une fois, pour une vie, et dans ce silence, je danse. Car dans le temps de notre amour, il y a le vent qui nous porte, où il y a le temps qui s'arrête un instant pour la fête, le printemps des amours. Et je découvre à chaque jour que ton amour est sans détour, un trésor rempli de lumière se libère. Et les étoiles et le matin et le mirage d'être bien et la mélodie du bonheur. Love, love. Your trachea. I put the Concords et Too Many Dicks on the Dance Floor, futur succès du palmarès de C'est Fou. J'ai fait jouer hier pour la première fois ici. Ben oui, presque à tout hasard, hein. Comme ça, on n'avait pas vraiment prévu ça. Tu as sorti ton fameux disque de Flight of the Conchords. Que j'ai dans mon panier depuis genre 3 mois parce que j'ai pas encore écouté la saison 2 de la série. Puis je me suis dit, je peux pas en savoir rien du tout. Je veux absolument rien savoir parce que je veux garder la surprise pour la série. Finalement, à un moment donné, il faut en jouer de la musique une fois de temps en temps. Flight of the Conchords, c'est tellement bon. Ben, les gars ont capoté dans le bureau. Ouais, c'est ça. Il y a eu des réactions. Là. T'es pas tout seul à aimer finalement cette pièce-là. Absolument pas. Ben, c'est vrai que c'est drôle. C'est bon. C'est catchy. Catchy à mort. Vite assemblage requis, émission du retour en pièces détachées. Qu'est-ce qui s'en vient, Kiwan? Ben, avant la fin de l'heure, on va écouter la capsule de Vidon-Ladon la question. Sur les hippies, tu veux dire? Les maudits hippies. Hein? Sur les hippies cette semaine, ouais, effectivement. Ouais. Mais en attendant, on va écouter une pièce du groupe Hockey qui était sur les palmarès il y a quelques semaines, mois. On va écouter la pièce « Too Fake » à assemblage requis. Semaine, mois, année, peu importe, là, whatever. C'est dur à définir.

drinking hot chata. I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandals. Chata, look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling you thought you'd forgotten, just to sit in sidewalks. Qu'on est hipster ici. Vampire Weekend avec la pièce Horchata, ça faisait un petit boucle qu'on n'était pas revenu en onde. 15 pièces de suite, back-to-back. Tu les as comptées? Non. Non, OK. Ah, c'est parce qu'on a de la visite en studio, c'est pour ça. On était distrait un peu. Tu veux pas qu'on jasait au lieu d'écouter la bonne musique qu'on vient de jouer là? On fait jamais ça hein, ici à l'émission. On écoute toujours la musique religieusement quand elle joue. Et on écoute la religion musicalement aussi. Exactement. Mais on est avec Émilie Adam qui est ici, qui anime l'émission En attendant les mercredis soirs. Salut Émilie. Hé, hey, salut. Bonjour. Vous allez bien, messieurs? Oui. Merci, et toi? Oui, toujours. Mmh. Toujours. Tu viens de parler d'une future chronique que tu vas tenter d'accomplir ici à Assemblage Requis. Oui, dans mes rêves les plus fous, j'y ai songé souvent et Kiwan m'a permis enfin de réaliser mon rêve. Ce n'est pas dans le cadre d'un organisme rêve d'enfant, malheureusement, mais merci Kiwan. Je vais vous expliquer un... Il n'y a aucun fonds public, d'ailleurs, qui ont été investis là-dedans, je tiens à le dire. Donc, non, mais ça peut venir. Peut-être. Ouais. On sait jamais. Étudiant, peut-être. Peut-être que les étudiants te fournissent. Ouais, bon. Donc, quel est le concept de cette chronique? Oui, oui, une chronique MySpace suivra bientôt dans les prochaines semaines, je l'espère bien. Une chronique dans laquelle j'explorerai les chemins tumultueux que MySpace peut nous proposer. Combien d'entre vous n'ont pas passé des heures folles à naviguer sur Internet en écoutant la musique tard le soir sur les MySpace. Donc, avec une bouteille de Tylenol à côté parce que les gifs et les fonds qui bougent, les couleurs fluorescentes donnent mal à la tête. Oui, mais moi j'aime ça. Oui. Ça stimule. C'est mes, kitsch. Oui, c'est kitsch. C'est kitsch, mais on aime ça. Et c'est une nouvelle façon, j'estime, d'écouter de la musique. Comme j'expliquais tantôt un peu à Kiwan, pendant qu'on n'écoutait pas la musique... avant, on avait affaire à des styles musicaux. On allait écouter des chansons qui ressemblaient un peu à ce qu'on aimait chez certains groupes. Mais maintenant, sur Internet, ce qui est intéressant avec MySpace, c'est qu'on a un réseau, une toile vraiment qui se tisse entre les artistes et leur style. L'artiste qui aime tel autre artiste, bien, on le sait. Et c'est puis, ça, on peut aller écouter... On a comme plus de, on n'a plus vraiment de recherche à faire, c'est ça. Tu vas juste écouter un artiste que t'aimes, puis là, sur sa page, t'as les artistes qui ressemblent, puis là, ben, ça fait un chemin comme ça. J'espère que tu prends pas ça pour une insulte, comme quoi, que ta chronique va être vraiment facile à préparer, là. Ah, et pas du tout agréable. Mais ce serait, non, je trouve que c'est intéressant de présenter justement les réseaux, tu sais, d'artistes. Ça peut être, je sais pas, motivant, hein? Motivant, motivateur, motivant. Ouais. C'est vrai, ça motive l'exploration musicale facile que l'on peut faire sur MySpace. Et c'est ça, je présenterai à chaque semaine un réseau d'artistes et grosso modo expliquer qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi sur leur MySpace parce que c'est intéressant. Ouais, c'est ça, parce qu'au-delà du style musical qui peut se ressembler entre un groupe et l'autre, le lien souvent entre les artistes il est plus grand que ça. Il y a souvent d'autres choses qui relient un groupe à l'autre, puis justement sur les pages personnalisées des groupes, là, tu peux voir exactement, faire des liens que tu peux pas soupçonner. Des fois, il y a deux groupes que tu entends, tu te dis « Ah ouais, ça se ressemble », mais finalement, il y a un autre lien qui les relie, soit un membre en commun ou de n'importe quoi. Ça peut être vraiment très vague. Donc, ça permet en même temps d'explorer ça aussi. Exactement. Surtout avec l'explosion de sous-groupes qu'on connaît ces temps-ci. Hein. Mm. On peut avoir accès à cette information sur les MySpace, c'est intéressant. Hein. Je pense juste à, je sais pas moi, Godspeed, Yo Black Emperor à Montréal, là, qui sont divisés en 56 groupes. Mais ça, on peut le savoir tout de suite en allant sur MySpace. Avant, c'était des informations qu'on pouvait avoir seulement quand on écoutait une émission de radio ou en étant un lecteur assidu des magazines musicaux. Donc maintenant, non, on parle d'accessibilité avec la chronique MySpace. Surtout ça, et le réseau d'artistes qui se tisse alentour d'une ambiance ou un style musical. Là. Ça va être intéressant, oui. Mm-hmm. Ouais. Ça commence bientôt. On ne dit pas de date pour l'instant. Oui, j'aime le suspense. Ah oui. Donc, sûrement la semaine prochaine. D'accord. Soit un mardi ou un mercredi. Tout dépendamment de mon humeur féminine. C'est ça. Mais sinon, on te retrouve comment dans ton émission personnelle? Mon émission personnelle, qui est le mercredi à 18h, juste après l'émission de Kiwan, et mon émission En attendant. Et pourquoi ça s'appelle En attendant? J'ai toujours voulu poser cette question-là, même si je connais la réponse, je trouve ça très drôle. Pourquoi ça s'appelle En attendant? Ben, je sais pas, je suis tout le temps casée entre deux émissions qui n'ont pas du tout rapport avec ce que je fais. Fait que je me considère un peu comme une musique d'ascenseur, t'sais, en attendant de passer à l'autre étape. Je te comprends tellement. Je suis là. Le matin, le jeudi matin, mon émission CNX, je passe après l'émission de rock francophone des années t'sais, tellement passées. Après ça, moi, je passe mon émission de musique de jeux vidéo. T'sais. Puis après ça, ça tombe dans le dîner de con avec Dani. C'est tellement, ça n'a aucun sens, mais en même temps, c'est tellement le fun. T'sais. C'est ça. T'es comme la station balnéaire. De quelle journée, t'as dit? Le jeudi matin. Du jeudi matin. Ouais, ben ouais. C'est l'idée de C'est fou en même temps. Il y a une certaine progression, mais en même temps, il y a des émissions qui n'ont aucun rapport avec rien, donc tu ne peux pas les mettre nulle part. Donc, au lieu de ne pas les mettre du tout, tu les mets à quelque part qui n'a pas rapport. On apparaît. Et voilà. Et oui. C'est comme la magie. On est des magiciens, finalement. Oui. Non. Prestidigitateur. C'est un plus beau mot. Oui, prestidigitateur. Prestidigitateur. Oui, un peu. C'est comme okay, avec Prestigi puis Digimon à la fin. Ah! Prestidigitateur. Ouais, ouais, j'aime mieux les Pokémon. Fait que tu vois, là, tu viens de me perdre encore. Ah, désolé. J'ai pas vu le film non plus. Il y a eu un film de Digimon. Est-ce qu'il y a eu un film des Digimon? Eh, vous demandez pas à la bonne personne, vraiment. Là. Je devrais le savoir. Hein. Je sais pas de quoi c'est vous mon parlez, devoir de le savoir, mais non, je ne sais pas. Tu parlais d'un film franco-botswanais tantôt. Tu me perds à tout coup avec tes films. Oui, surtout les films franco-botswanais. Botswanais. Oui, les deux sont tombés sur la tête. C'est un classique, Mathieu. Mais les classiques que j'ai pas vus, on peut remplir un stade olympique. Oui, mais franco-botswanais, qu'est-ce que t'as aucune fierté? Non? Non, je me considère pas, non. Non, alors, c'est pas grave. D'ailleurs, tantôt, on a entendu un extrait de la trame sonore des deux sont tombés sur la tête, hein, la pièce Horchata de Vampire Weekend. Ah, oui, non. Que l'on peut entendre à la toute fin de l'émission quand les girafes se retrouvent entre elles et qu'elles sont heureuses. Oui, c'est dans le bout des girafes. Hein, ouais, oui, c'est ça. Pour j'ai les déjà gens vu des girafes, qui, par exemple. Ben oui. Ouais, sont quand même assez bien documentés. Là, on les retrouve dans plusieurs films, les girafes. Quand même. Je pensais que j'étais underground en disant que je connaissais les girafes, mais c'est mainstream maintenant. Que voulez-vous? Eh oui, hein, les girafes sont partout. Avec Internet. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Ben oui, les gifs animés, les petites girafes. Ben oui, c'est ça, il y en a tout le temps. Ouais, puis ils mangent dans les arbres. Puis exactement. Comment? Tu penses à la musique? Ah, t'attends que. Je tenais de m'entendre, c'est pour ça. Ah, mais parce okay, que sinon, bon. Bientôt, on va se demander quel bruit ça fait une girafe. Puis ça, on peut pas savoir. C'est ça, on irait peut-être un peu trop loin si on est là. Mais en tout cas, on écoute en attendant mercredi. Ou on attend en écoutant mercredi. Ou on écoute mercredi en attendant. Ou mercredi oui, c'est en écoutant. Non. Bref, Émilie Adam, jeudi, oui, mercredi, moi. 18h. Ton émission. Sinon, la semaine prochaine, à quelque part, là, c'est pas encore très défini, mais on va te retrouver ici à l'émission. Et en attendant. On va écouter une pièce de André qui s'appelle En attendant, très bon. Hein? Ouais, ben oui, ben oui. On va écouter La mort au feuilleton. Merci, Émilie. Bye bye. Ça aurait pu être on mercredine ensemble. On mercredine? Ouais, très bon ça. I don't want La pièce Red Sox Poggy du groupe Falls, le groupe anglais Falls qui vient d'annoncer cette semaine, ont annoncé qu'ils préparaient un prochain album. L'album va être lancé le 10 mai prochain. Et avant ça, c'était Vanessa Parietta avec Givresse qui est dans le palmarès anglophone présentement à la position numéro 1, très enviable comme position, je dirais. Oui, et c'est ce qui termine la première heure de l'émission. Dans la deuxième heure, il va y avoir la capsule de Vidon Ladon, la question. Ça s'en vient, ça, dans quelques minutes. Il va y avoir aussi la présence de Stéphanie Gagné. Et une petite chronique, c'est au fait, avec des choses véridiques, véritables et vérifiables. Restez là, ça s'en vient. C'est fou de la musique. C'est fou 89. 89. The enemy is now in sight above the palace. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées et l'émission où la vigilance auditive est nécessaire, mais heureusement, le plan est inclus. Oui, il reste encore une heure à l'émission et tantôt, on reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. C'est une surprise, hein? On sait toujours pas ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans sa chronique. Et on n'a pas sa pile de CD pour essayer de subtilement regarder les artistes, là. Non. Même pas de cue pour nous. Même pas. On va aussi avoir la chronique Vidon Ladon la question, chronique humoristique sur les hippies cette semaine. Mais on va faire ça tout de suite, je pense. Là. Wow. Salut, Babu, comment ça va? Normand, l'amour, c'est pas Babu, Chris, c'est l'heure de Vidon Ladon la question. Dans la question, ben oui, vous le savez. Ben, et aujourd'hui, on parle des hippies, hein? Oui, on vide la question des hippies. Et on une fois pour toutes. Une fois pour toutes, et surtout, Mathieu, hein, oui. On se demande pourquoi on traite certaines personnes de hippies. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on entend ça souvent des gens qui traitent les autres de hippies, et puis nous autres, mea culpa, on n'est pas mieux. Non. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a traité Tricot Machine de deux hippies ben pognés, supasse partout. Et on était dans l'erreur, on s'excuse, on n'aurait pas dû traiter ces gens-là de hippies. Oui, parce que c'est pas parce que Tricot Machine, hein, avait plein de couettes grasses dans les airs quand ils sont passés en entrevue au Canal Vox qu'on est en droit de les traiter de hippies. Non. C'est leur style et ils ont le droit à ça. C'est vrai, et c'est vrai qu'on dirait que c'est comme s'ils venaient juste de revenir de Rouen sur le pouce, là, à pluie battante, après une semaine de camping sauvage, en se lavant la tête avec le vieux chandail brun. Mais, ça n'en fait pas plus des hippies. Pour autant. Non. Question de continuer à parler des hippies avec une petite ambiance. On va écouter une toune de hippies. T'sais, allons-y avec un petit peu de musique de hippie, tiens. Du néo-hippie. Du trio, on se met dedans. Bon, fait que là, disons, là, la personne qui écoute cette chanson-là, là, du trio, là, l'hymne de nos campagnes, habituellement, elle va porter un vieux chandail de laine, elle va fumer des BD, elle va avoir des dreads, elle va sentir le patchouli. Faire des voyages humanitaires. Oui, aussi. Ça, c'est assez pour qualifier quelqu'un de hippie? Peut-être pas. Mathieu, on dirait que ça fait du bien de traiter ces gens-là de hippies. Pareil. Oui, ça fait du bien de les traiter de maudits hippies. Surtout quand t'es un étudiant en administration, hein? Ouais, ou en ingénierie, ou en sciences de nature. Avec une belle carrière devant soi, puis là, t'arrives à tes cours le matin, puis quand, qu'est-ce que tu vois? Une ligne de piquetage formée par des étudiants de programme sans débouchés, comme sciences humaines, comme théâtre, comme art plastique, cinéma, littérature. Hein? Pendant qu'il y en a qui bûchent fort à étudier pour leur avenir, pour construire une société qui a de l'allure, eux autres, les hippies, Ils apprennent le code Morin par cœur, puis ils se votent des grèves avec un paquet de bon amendements pour sortir des rues tout déguisés en criant tête, Donnez-nous l'école gratis. C'est ce qu'ils disent eux autres. Maudit concept de hippie, l'école gratis, ça se peut-tu? N'importe quoi, le gang. Une fois dans la rue, qu'est-ce que ça fait? Une fois dans la rue, les hippies, mais ça chante du Jean Leloup pour faire peur à la police. N'importe quoi. Une gang d'artistes qui se crissent de tout. Ils se crissent de tout, même d'eux-mêmes en plus. Oui. Hein? Et c'est pour ça qu'ils puent, qu'ils fument la clope. Puis ça pense vouloir révolutionner le monde, ça. Bon, fait que finalement, ces gens-là qu'on vient de décrire, est-ce que c'est ça, des hippies? Ben non, tu sais bien, Mathieu, que c'est pas ça, des hippies. Fait qu'on peut plus appeler ça des hippies. Non, on peut plus appeler ça des hippies. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter une chanson qui va nous en dire plus sur c'est quoi un hippie pour vrai. Un vrai hippie pour qu'on arrête de traiter tout le monde de hippie. Oui, hein? Mais pour ça, par exemple, va falloir qu'on arrête Trio, là. Ça va faire. OK. Non, ça me tente de sortir des rues, d'aller crier. Hein, parce que comment qu'on fait pour reconnaître un vrai hippie, hein, un vrai hippie des années 70? Ben, il y a un signe à ça. C'est quelqu'un qui va vous avoir dit au moins une fois dans sa vie qui se fera jamais plus de bonne musique comme il s'en est fait dans les années 70. Et on va donner raison à ces gens-là ce matin en écoutant une section d'une chanson d'harmonium qui s'appelle « Comme un fou ». Hein, et c'est là, on va faire jouer juste le bout de « fucké ». Dites-moi de quoi faire, je suis tombé sa terre, au milieu de champs qu'on a recouverts d'acier. Si je pouvais me reprendre, avec un peu de chance, je pourrais peut-être tomber quelque part de l'autre côté. Il n'y a pas une once de haine dans cette chanson-là. Effectivement, Mathieu. Rien que de l'amour. Et c'est ça qui définit les hippies. Le peace and love, Mathieu. Oui, le peace and love, hein. Les hippies, c'est pas juste avoir des bidis, faire des voyages humanitaires, nanana. C'est être peace and love. Et rechercher la spiritualité, la communion entre les êtres. Et c'est ça que les gens vont chercher, Mathieu, dans les rainbows. Explique-nous c'est quoi un rainbow, Luc. Un rainbow, c'est un rassemblement de hippies, hein, où tout le monde communie avec la nature et c'est souvent célébré pendant un solstice, un équinoxe ou une pleine lune, Mathieu. Et là, toi, d'aller dire, je vais venir avec ma gang dans un rainbow. Non. Un rainbow, là, c'est pas un festival avec des kiosques où qu'on achète des cossins comme des colliers avec des grosses bannières de commanditaires. GM finance le rainbow. Non. Oh que non, il n'y a même pas de petits kiosques où on vend les hot dogs ou tofu. Même pas. Il n'y en a même pas, non. C'est rien que tout le monde dans nature, à l'état pur. Mais... Comment ils font quand même pour manger dans un rainbow, hein? Ah, tu sais pas comment ils font pour manger dans un rainbow, Mathieu? Non, je sais pas comment ils font pour manger dans un rainbow, mais je... Peut-être que je le sens qu'on va finir par le dire ensemble. Comment ils font pour manger dans un rainbow? Parce qu'on passe le chapeau magique. Et oui. Le chapeau magique. Il fallait qu'il soit magique, le chapeau. Hein? Tout le monde met des dons dans le chapeau magique, puis tout le monde mange à sa faim, là, comme par magie, grâce au chapeau magique. T'es là, tu te réveilles là, le matin là, dans ta tente, là, ben gelé, puis t'ouvres le zip. Qu'est-ce que tu vois? Le chapeau magique, et toi? Puis, là, tu mets un don dedans, puis là, tu vas le mettre chez ton voisin, comme dans le côté. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui trouve ce chapeau-là, qui finit par ramener des denrées. Grâce à la magie du chapeau. Et puis là, t'es là, puis ouf, là, tu t'en vis, tu t'en vas à chiottes, creuser même dans le trou, puis oh, il y a de la chaud, disons. Il y a de la chaud, comment ça, qu'il y a de la chaud? Grâce au chapeau magique. Oh, palette, t'as un petit mot, c'est terrible, le chapeau magique. Puis là, qu'est-ce que tu t'en vas faire après? Mais là, tu t'en vas, là, te donner la main, sentir l'énergie qui fait bouger les atomes, la lune, les étoiles. On est loin de la manifestation dans la rue à fumer des clopes puis à crier, hein? Non, on est loin de ça. On est loin de ça. Certains. Hein? T'es plus ces gens-là de hippies. Puis on médite, on chante, on danse. Ça, c'est un vrai rainbow. Oui. Hein? Puis il y a les enfants qui regardent leurs parents faire l'amour dans la forêt. Oui. Ça, c'est la vie. Puis là, il y a des rites le soir, des rites de passage, de petites guitares. Les gens sautent par-dessus le feu pour devenir des phénix. C'est clair, mais bon, on rit de ça, mais ça a du bon, les rainbows, quand même. Parce qu'au fond, nous autres, on vit, bon, comme on le sait bien, dans une société de drogués, de pourris, de pas fins, de pas beaux. Hein? Mais oui, on le sait. Nous, surtout, qui travaillons au centre-ville, on voit ça souvent. Et ces gens-là, ils auraient pas... En fait, ils sont acceptés dans les rainbows. Si vous êtes un drogué, un pourri, un rejet, vous allez dans un rainbow, vous allez trouver de l'amour. Mais oui, il y a pas de rejet dans un rainbow. Tout le monde est intégré dans l'amour. Pourquoi, Mathieu? Parce que dans un rainbow... Ben, parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et qui dit amour, dit... Guérison miraculeuse. Guérison miraculeuse. Oui, quand... Chris, l'amour, ça fait tout, Luc. Oui, c'est vrai. Tout devient possible avec l'amour, ça fait des miracles. C'est vrai. En plus, il y a plein de chamans dans les rainbows, Mathieu, si tu savais. Comment ça, si je savais? Ben, parce que t'es pas au courant? De quoi? Ben, j'ai déjà été un hippie, moi, Mathieu. T'as déjà été un hippie, toi, Luc? Ben oui. Ben là, c'est quoi là? C'est correct là, d'avoir été un hippie? Compte-nous ça un peu là, si on a le temps là. J'ai déjà été un hippie, moi. C'était en 98. Je me suis laissé influencer par une bande d'artistes quand j'étudiais au cégep de Saint-Laurent. C'est une longue histoire, mais tout ça a commencé dans un party de hippies. Les favelas en Amérique latine. Je vais vendre des colliers au tartare. Je vais avoir sa propre entreprise de textile équitable, biologique. Je suis pas sûr, mais je pense que c'était la première fois que je prenais de la drogue. C'était comme toute magique. Je me suis fait maquiller par des filles. J'ai parlé de littérature, j'ai parlé d'art. C'était cœur, hein? Cathy, ma vie. Je suis bien par ta peur d'un dange, là. Je vais te Hey, Luc, je vais dessiner quelque chose sur le ventre. Sur mon ventre? Attends. Hey! Les nuages que j'ai dessinés ressemblent à un papillon. Je vais faire une fleur pour aller avec le papillon. Oh, et tout le monde, on se fait des masques. Oh, je veux aussi. Des masques, wow. Des masques. Je me sentais emporté par tout l'amour qui régnait. J'étais en train d'aimer ça. J'étais en train de devenir un hippie. C'est peut-être la drogue que j'avais pris, mais je me t'as jamais senti aussi bien. J'étais parmi plein d'étudiants puis de belles étudiantes du cégep de Saint-Laurent, unis dans l'amour de l'art. Puis tout d'un coup, c'est venu clair. Fallait voter pour la grève générale illimitée. Il fallait faire la grève. Ça doit faire 3 mois que je suis pas rasé. J'ai envie de me costumer. Mais tiens, le coffre à costume est juste là. Ah, j'ai faim, on se fait-il la guacamole? C'était la première partie de la chronique, de la capsule humoristique. Vidéo à la question sur les hippies. La suite, tantôt, dans quelques minutes. On va avoir plein de surprises là-dedans, je suis sûr, moi. Ça va sentir bon? Ça va sentir le hippie. Oui. Donc, un petit peu plus tard dans l'émission, on vous présente ça, la deuxième partie. Aussi, à entre-temps, on va recevoir Stéphanie Gagné. Mais pour tout de suite, on va aller en musique avec un peu de Beach House et la pièce Norway, si tu veux bien, Mathieu. Je suis d'accord et je dirais même que vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17 ans. Six a yak of the coke, was a gun in part of it, the 9-piece luggage set. Six a yak of the coke, was a gun in part of it, the 9-piece luggage set. She jet set. Invalise, des valises, pas safe for my 9-piece luggage set. Invalise, des valises, pas safe for my 9-piece luggage set. She jet set. Six a yak of the coke, was a gun in part of it, the 9-piece luggage set. Six a yak of the coke, was a gun in part of it, the 9-piece luggage set. She jet set. Invalise, des valises, pas safe for my 9-piece luggage set. Invalise, des valises, pas safe for my 9-piece luggage set. She jet set. Faites tes bagages, collecte tes gages. Chagrin, je te porte, chagrin de la nage. English Channel, vu les rois mages. Jesus Christ, BB, puis tous les mirages. De Hollywood à Bollywood, puis Teleclown. Spaghetti, Wes Anderson, le bord de la mare. C'est un B-movie classique, personne n'a compris. T'as été over budget, puis personne t'avait dit. J'ai des belles valises, puis de place à les mettre. J'ai des belles valises, j'ai des belles valises, j'ai des belles valises. De Belize à Venise, j'ai mes Telegram feeds. J'fais pas des voyages, j'fais des pèlerinages. Pas que t'as soit tes name tags pis tous tes bagages. Bat avec tout ça, aïe où ce qu'on va. On head check pas, bat le chemin pas. Collect tes air miles, c'est un aéroplane. Hitchhike sur une bike, pas la scenic view. J'ai perdu mes valises, y'a des hard part 2. J'ai perdu mes valises, y'a des hard part 2. Invalise, de valise, pas safe for my nine piece luggage set. C'est pour le look, this is all vendé. Casse gun, sur une trip apart, tout ce tu veux. You never know, that show, cause if you change ta chemise. À cause ta vieille t-shirt, ça comme l'alcalise. Grosse surprise, casse ta porte à valise. Puis laisse un fit, puis dans ta car, à cause ta paye trop cher. À cause c'est custom fit, amit the custom slick. C'est ma 9-piece luggage set. Custom fit. Parasol travels check portier, c'est check portier, c'est check portier. Parasol travels check portier, c'est tout ce que ça prend pour se promener. Custom officer loppy trippy, one more 9-piece luggage, more 9-piece luggage. Custom officer loppy trippy, one more 9-piece luggage set custom fit. Invalise, de valise, pas safe for my nine piece luggage set. C'est un extrait du nouvel album de Radio Radio Belmundo Regal. La pièce s'appelle « Nine Piece Luggage Set » et ça parle des gens qui ont besoin de trop de valises pour voyager. Ça me fait un peu penser aux gens qui ont besoin de trop de meubles. Pour de divans, disons, par exemple, je sais pas, Stéphanie, qui a comme 15 divans chez elle, un long, trois, puis 15 proches, hein, t'sais. En tout cas. Tantôt, Stéphanie, c'est pas tout de suite, mais tu peux quand même participer si ça tente dans la chronique qu'on va faire, c'est-à-dire c'est un fait. C'est un fait? Oui, où on parle de choses véridiques, véritables et vérifiables. Allons-y tout de suite. Commençons avec un fait assez intéressant. Savais-tu, Kiwan, que 35% des gens qui utilisent des annonces classées là, pour trouver quelqu'un avec qui sortir, là, des dating, genre? 35% qui attend un peu, j'assimile l'information au fur et à mesure. Là, la phrase n'était pas finie, dans le fond. Non, je sais, oui. Sont mariés. 35% des gens sont mariés. Non, pas 35% des gens mariés. Non, mais des gens qui se rencontrent sur réseaux quelconques. Les gens quelconque. Qui utilisent des réseaux de rencontres pour trouver quelqu'un sont mariés. Avant. Oui, avant. Ils sont déjà mariés. Genre ils sont déjà mariés. Oui. OK. C'est clair, ça? Stéphanie, t'avais compris? T'avais-tu compris ça? C'était pas ça que t'avais compris. Hein? Non. Ouais. J'étais pas sûr. Pas sûr. Je me demandais si t'es marié avant ou s'ils se sont mariés éventuellement. Donc, ça veut dire que si tu vas cruiser sur un réseau comme ça, il y a une chance sur trois que la personne à qui tu parles soit mariée. C'est exactement ça. Wow. Non, ça m'aurait surpris si ça avait été 35% des gens qui utilisent les annonces classées parce qu'il y en a beaucoup qui se servent des annonces classées. Ouais. Savais-tu, Kiwan, et savais-tu, Stéphanie, aussi, que vos lobes d'oreilles sont alignés avec mamelons? Vos mamelons? C'est vrai? It's true? C'est ce que ça dit, en tout cas. Je sais pas, je trouvais ça... apparemment, c'est... Regardons. OK, non. Je regarderai pas. Fred et Delima, Pierre à feu, là, les Flintstones. Ils étaient le premier couple à avoir été montré à la télé au lit ensemble. Et c'était pas avant 1960. Donc nous, avec la petite vie, là, tu sais, où on voyait les gens couchés dans le lit debout, là, c'est comme ça a été inspiré peut-être par ça. Mais bref, ça a commencé par les pierres à feu. En 1960, c'était les premiers à être montrés dans leur lit. Le premier, là, dans toute catégorie confondue. De la télé, là. De la télé, là. De la télé. Pas juste des dessins animés, de la télé. Ah, ça dit le premier couple à avoir été montré au lit ensemble. C'est tout ce que ça dit. Wow. Je sais pas. En plus, des fois, il y avait leur chien dans le lit. Ça, c'est sûrement aussi une autre primeur. Attends, ça dit premier couple montré au lit ensemble à la télé en prime time. Le premier couple à la télé à avoir partagé un seul lit était Mary Kay et Johnny en 1947. Par contre, ils n'étaient pas montrés ensemble dans le même lit. Ah. Plus de détails, c'est bien. Qu'est-ce que tu disais pendant que j'étais en train de lire ça dans ma tête? Ben rien, non. Je disais qu'ils sont vraiment avant-gardistes, finalement, les pierres à feu. Ben oui, ça. Les éléphants qui servent de douche ou je sais pas quoi, c'est aussi avant-gardiste. On va voir ça dans le futur. Mm. Le président Rutherford B. Hayes était le premier président à avoir utilisé un téléphone. Et son numéro de téléphone était le 1. C'était son téléphone, le numéro le 1. Se composait le 1. C'est ce que. Un numéro de téléphone, c'était le 1. C'est étrange, hein? Ouais. Mais bon. À Détroit, en 1937, encore plus étrange, un bébé est tombé du quatrième étage d'une bâtisse, est tombé sur la tête d'un homme qui passait en dessous de la bâtisse. Et exactement un an plus tard, exactement la même chose, c'est ben pas exactement un an plus tard, environ un an plus tard, la même chose exactement lui est arrivée, un autre bébé d'un autre quatrième étage sur le même homme. Veux-tu plus de détails que ça? Ben, s'il te plaît. S'il te plaît. C'était un balayeur de rue, Joseph Figluck, qui était comme ça dans la rue quand un bébé est sorti d'un quatrième étage, d'une fenêtre, lui a foncé en plein sur la tête et sur les épaules. Figluck et le bébé ont été blessés mais non tués. Et un an plus tard, alors que Figluck balayait une autre rue, si on veut, un enfant de 2 ans, David Thomas, est tombé d'une fenêtre du quatrième étage et est atterri sur Figluck avec le même résultat. Donc c'était pas le même bébé, mais c'était le même homme et c'était un quatrième étage les deux fois. Wow. C'est vraiment quelque chose, ça. Ça pourrait aussi être une histoire que le gars a inventée pour se rendre intéressant, mais doutons pas de la vérité et de la vérifiabilité de ces faits. Alors, on est dans la chronique, c'est un fait, donc on mettra pas en question ce que tu dis, Mathieu. Jamais de la vie. Une autre circonstance coïncidentielle, beau mot quand même, hein? Le joueur de baseball Richie Ashburn, en août 1957, a frappé un fan dans les gradins avec une balle. Je sais pas comment t'appelles ça, les termes de baseball. Un foul ball. Ouais, une fausse balle. Fausse balle, merci. Donc, il a frappé un fan avec une balle, une fausse balle en 1957. Et quelques minutes plus tard, il a refrappé le même fan alors qu'il était en train d'être amené en civière. C'est quelque chose, ça? Détails, tu veux des détails, c'est ça? Oui. La fausse balle a frappé la spectatrice, c'est une fille, Alice Roth, la femme d'un journaliste sportif, Earl Roth. Ça lui a brisé le nez. Et quand la partie a recommencé, Ashburn a frappé une autre fausse balle qui lui a frappé pas au même endroit, mais sur elle, pendant qu'il était amené en civière. Ashburn et Roth ont maintenu une amitié pendant plusieurs années. Et son fils, plus tard, a été Bat Boy pour les Phillies. Wow! Bat Boy, ça veut dire quoi, Bat Boy? Ça, c'est la personne qui va récupérer le bâton une fois que le frappeur le laisse par terre et puis qui part à courir sur les buts. Ah, oh. Généralement, c'est un petit gars, mais depuis quelques années, il y a un règlement qui demande un âge minimal. Parce qu'avant, tu sais, c'était les enfants des joueurs, tu sais, c'était comme un genre d'activité familiale. Genre, hey, les gars, moi, ça va être mon petit gars de 2 ans et demi qui va aller chercher les bâtons, tu sais, c'était bien drôle, mais un jour, ça fait pas si longtemps, ça fait tout de même 3-4 ans, il y a eu un accident qui est arrivé parce que, bon, le petit bad boy qui était vraiment pas vieux, qui devait avoir peut-être, là, j'exagère, 2 ans et demi, mais qui avait peut-être 6-7 ans, disons, suivait pas vraiment le jeu, fait qu'il est allé récupérer le bâton vis-à-vis le marbre, puis là, il y avait un joueur qui s'en venait en courant à fond de train, puis là, il y a comme eu un accident un peu. Ouais. Là, depuis ça, là, ça demande un âge minimum qui est genre 12 ans, ou je sais pas trop. C'est en même temps, comme on dit, bad boy, what you gonna do when they come for you? Ben, tu sais, hein, Will Smith, you bad know. Bad boy, bad boy, what you gonna do? Ouais, la tune de Cops, hein, ouais. Et sinon, ben, j'allais dire mon autre blague que j'avais en réserve pendant ce temps-là. Réserve, tu comprends le jeu de mots avec... Y a-tu le mot réserve dans baseball? C'est au keys, hein? L'autre blague, c'était petit, bad boy deviendra grand, Batman, tu sais. Batman. Très bon. J'ai beaucoup aimé ta référence au baseball avec la réserve. Je savais que t'aimerais ça. Ça, tu vois, Maxime adorerait ça. Il appellerait ça un segment un gars, un geek. Ah! On vient de faire le premier un gars, un geek sans même le dire avant et sans même le prévoir. Wow. Incroyable. Écœurant. Continuons la chronique, c'est un fait ici. Savais-tu que lorsqu'une personne est chatouillée, comme on fait régulièrement, toi et moi. Ici, en studio. Et voilà. La réponse, dans le fond, le rire, là, la réponse est en fait une forme de panique, parce que le cerveau interprète la sensation du chatouillement comme si c'était une araignée ou d'autres bestioles, insectes sur ta peau. Donc, le rire incontrôlable est en fait une réponse à ce panique-là. Mais est-ce que c'est invariablement toujours le rire qui est la réaction? Ça pourrait être autre chose? Ça dépend. Ça se pourrait justement que quelqu'un ait peut-être un problème au cerveau, quelque chose du genre, une connexion qui se fait drôlement et peut-être que... Puis c'est une autre réaction, genre un vomissement. Exactement. Hein, Stéphanie? Hein? Non, c'est tout. Je vois, c'est bon. Ensuite, le plus grand distributeur de jouets au monde, c'est pas Toys R Us, c'est pas Walmart, c'est en fait McDonald's. Ben oui. Ah oui, plus grand distributeur de jouets au monde. American Airlines a sauvé ou économisé 40 000 $ en 1987 pardon, en éliminant une olive de chaque salade servie en première classe. Une olive! Ça a sauvé tellement d'argent. Coûte cher les olives. Et voilà. Lorsqu'on vole de Londres à New York via Concorde, là, tu sais, les avions, un Concorde, hein, tu fais, ça existe encore, ça, les Concorde? J'ai aucune idée. Je sais pas. À cause des différentes zones horaires, là, vous savez, les heures qui changent, tu peux arriver à ta destination 2 heures avant que tu partes de l'endroit où tu es parti à cause de la différence. C'est tellement rapide que ça va plus vite que la Terre qui tourne, c'est ça? Ouais, c'est comme Superman. Là. OK. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. OK. C'est à cause des zones horaires, des différences d'heures, hein? Fuseaux horaires. C'est ça. C'est que, en tout cas, de Londres à New York, quand tu arrives, tu es dans le fond 2 heures avant l'heure à laquelle tu es parti. Ça part d'avoir de sens, là, vraiment. Ben, je sais pas. Attends, j'ai des explications. Vous avez des explications? Je vais vous l'expliquer. Ouais. Je vais vous l'expliquer. Un vol subsonique normal, d'accord, selon l'article que je suis en train de lire ici, prend environ 7-8 heures pour aller de Londres à New York. Mais la durée de vol moyenne du Concorde est environ de 3h30 minutes. Donc, oui, ça a rapport avec la vitesse. Tu as raison. Mais ça peut être un petit peu plus long si l'avion. Doit attendre avant d'atterrir à l'aéroport local. La durée de vol la plus rapide était de 2h52 minutes 59 secondes pour aller entre Londres et New York. Bon, j'espère que ça a du sens tout ça. Je connais pas l'aviation. C'est ça. Donc, finalement, c'est parce que ça prend moins de temps que le décalage horaire, que la différence de fuseau. Donc, s'il y a sûrement qu'il y a 5 heures, mettons, entre Londres et... Et New York. Donc, si ça te prend 3 heures y aller, ben, t'arrives 2 heures avant, vu qu'il y a 5 heures de différence de fuseau horaire. Ah, okay. Et on va faire les autres très rapidement. On dit qu'à Hong Kong, la femme d'un mari qui commet l'adultère a droit légalement de tuer la maîtresse de son mari de n'importe quelle manière, en autant que ce soit seulement avec ses mains. À Hong Kong. Est-ce que c'est de même présentement? Ça nous dit à Hong Kong, justement. À Hong Kong. Ah, mais c'est ridicule. C'est des faits, mais tu sais, ça donne pas plus de détails. Une colonie anglaise, là, Hong Kong, tu sais, c'est ridicule. En fait, les commentaires en bas disent, et je cite, c'est pas vrai, le meurtre est illégal à Hong Kong, comme dans la plupart des pays. Après ça, l'autre dit, c'est légal, mais ça peut pas être un meurtre. Si c'est légal, ça ne peut pas être un meurtre. Meurtre est par définition l'acte de tuer quelqu'un d'une manière qui est contre la loi. Mais en fond, c'est que, en tout cas, je sais pas c'est quoi que ça veut dire exactement. Ah, c'est une vieille loi qui n'existe plus, apparemment, selon les commentaires. J'aime ce site, finalement. Et puis, ça prend 12 abeilles et leur vie au complet pour faire une cuillerée à table de miel. À 12 abeilles pour leur vie au complet pour faire une cuillerée à table de miel. Ça veut dire que, ouais. Hein? Ça veut dire, hein? Mange-le puis savoure-le ton miel, hein? Oh, et pour terminer, cette fois-ci pour vrai, le miel est la seule nourriture qui ne se gâche pas avec le temps, qui ne devient pas périmée. Il y a du miel qui a été trouvé dans des tombes de pharaons égyptiens qui a été goûté par des archéologues, comme vous voulez. Et apparemment que c'était encore parfaitement mangeable. C'est-à-dire que le miel ne peut pas être conservé à de températures extrêmement chaudes sans causer de la fermentation. Et c'est-à-dire que dans l'Égypte ancienne, ils payaient leurs taxes avec du miel. Wow! Mais c'était intéressant tout ça. Ouais. Beaucoup de faits, beaucoup de choses que je suis pas sûr. Hein? Pas sûr. Mais c'est selon OMG Facts. C'est sur twitter.com/OMG Facts. Allez voir les liens sur assemblagerequis.com. Et des fois, si on faisait des recherches un petit peu plus profondes, peut-être que les gens du site pourraient se forcer un peu plus. On se rendrait compte que c'est vraiment n'importe quoi. Et voilà. Mais il y a des semaines que c'est moins plausible que d'autres. Ouais. Ouais. Mais c'est tout véridique ou ça a déjà été véridique. Là. C'est peut-être qu'à Hong Kong, avant, ça l'était et maintenant, ça l'est plus. Mais tu sais, peut-être. Précisé. T'sais. Et on va faire une petite pause tout de suite, Mathieu. Et tout de suite après, au retour, on accueille Stéphanie Gagné avec sa chronique « Ton plat favori ». Il va te sortir du miel là-dedans. Ça n'a pas de miel. C'est fou de la Seine émergente. Jusqu'à 17h, assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou 89.1. C'est toujours Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées, l'émission où on parle très souvent de carcajou et de marmottes et de choses qui intriguent par leur éphéméralité. C'est pas un mot. C'était pas un mot. Eh oui, on se rappelait de bons vieux souvenirs. Ah oui. Il y a un mois déjà. C'est comme si c'était il y a un mois. Je me rappelle comme si c'était là un mois. Bref, allez entendre l'émission du 2 février pour savoir de quoi on en parle. Elle est en balado-diffusion sur assemblagerequis.com. Cliquez sur les archives d'Assemblage Requis. Reculez jusqu'au 2 février et marrez-vous. Et bonne chance aussi, en fait. Hein. Ouais, bonne chance. Mais pas bonne chance à nous parce qu'on sait qu'elle fait toujours de l'excellent travail et elle est très intelligente de sa beauté, son intelligence ici, là. Stéphanie Gagné, je me reprends pour mes commentaires pas pertinents sur toi la semaine passée, tu vois ça? C'est ça. Voici ton plat favori avec Stéphanie Gagné. Moi, ce que j'aime le plus faire, c'est faire référence à des chroniques des semaines d'avant que personne n'a entendu, dans le fond, sauf nous et ceux qui écoutent évidemment l'émission régulièrement, nos nombreux fans, là, mais il y a bien des gens qui n'écoutent pas toute l'émission complète, honte à eux. Là. Comme ça donne une autre occasion de dire, si vous voulez comprendre ce qu'on dit, allez sur le assemblagerequis.com et écoutez les balado-diffusion. C'est pour forcer les gens à écouter tout le temps l'émission, tu sais. Sinon, ils comprendront rien, ils vont se dire, je suis vraiment pas dans le coup, tu sais. Mais si on n'utilisait pas cette tactique-là, personne n'écouterait régulièrement. Et voilà. C'est voilà. La bonne radio, tout ça. Ouais. Bonjour Stéphanie. Hey, bonjour. Ça va? Bonjour. Oui, ça va. Ça vaut vraiment la peine en tout cas d'écouter l'émission du 2 février. Tu vois, elle j'ai passé elle au travers, mais ça a été long, mais c'était très drôle. Ça j'ai adoré. Ben ouais. Tu fais partie d'une minorité, je pense. Probablement. C'est un peu dur à avaler un peu comme émission. Mais dans une radio comme celle-ci, c'est ce qu'on aime faire. Et peut-être qu'un jour, tu nous aideras à travailler sur notre prochain concept. Ah, ça serait plaisant. Mais ça pour dire que tu viens nous parler comme à chaque semaine comme ça de tes coups de cœur culturels, artistiques, divertissants, oui. Films, musique, peu importe. Hein? Ouais, donc cette semaine c'est un groupe avec un seul album. C'est un groupe de l'Angleterre. Moi j'adore tout ce qui vient de l'Angleterre. Tout ce que les angles même. Les triangles, les divans. L'enfer. Ouais. Alors, un groupe anglais de 4 membres. Ils ont un seul album qui est sorti en 2008. C'est Fantasy Black Channel. Un excellent album. Et c'est on peut pas vraiment décrire le style. C'est vraiment étrange. Je sais pas si tu te rappelles, Kiwan, tu regardais l'année passée ma pile de CD puis tu avais vu celui-là. Mm-hmm. Puis tu m'avais demandé c'était quoi. Mm-hmm. Ben, là, je me suis dit, je vais l'apporter. Mais... il y a vraiment pas de style. Des fois, c'est super rock. Des fois, c'est super électro. Il y a pas mal de synthétiseurs, de claviers. Des fois, c'est super new wave. Il y a même une chanson que, justement, c'est dans les deux que je vais vous faire écouter, qu'il y a un bout qui ressemble à Queen. Puis même le clip, je pense qu'ils font référence à Queen parce qu'on voit le chanteur qui chante en gros plan. Puis plus de musique, là. Puis ça ressemble vraiment à Freddie Mercury. C'est vraiment drôle. Mais c'est ça, ils ont un seul album, mais ils ont quand même 7 vidéoclips. Avec un album, mais il y a 2 des vidéos que c'est des nouveaux singles pour cette année. Il y a Best in Class et Blueberry qui sont sortis à la fin 2009. Donc, on peut espérer un nouvel album bientôt. Mais c'est pas annoncé encore. Non, pas annoncé. C'est juste les singles qui vont sortir, qui sont sortis début février, je crois. Mais pas ici. OK. Juste en Angleterre, malheureusement. Mais c'est vraiment un excellent, excellent, excellent album. Puis il a vraiment fallu que je me demande quelle chanson j'allais faire jouer. Fait que j'ai décidé de mes 2 chansons de choisir de cet album parce que sont toutes vraiment, vraiment, vraiment, vraiment bonnes. Mais sont très spéciales. Faut que tu passes au travers le CD plusieurs fois, puis finalement, ça accroche. Intriguant. Ouais. Dans le fond, vous savez pas en tout à quoi vous attendre. Non. Pas en tout. En plus, le titre de la première chanson, c'est Fucker. Fucker? Ouais, fuck, mais pas avec fuck un fuck U. Her. Non, fucker. F-O-C-K-E-R. Ah, comme les Fuck Me the Fuckers avec Ben Stiller. Fucker. Fucker. Voilà. Exactement. Ouais. Parfait, on l'écoute tout de suite à l'assemblage requis. Dans ben oui. Dans la chronique. Écoutons-la dans la chanson. Dans la chronique, ton plat favori. On s'écoute. C'est sûrement le genre de choses que t'écoutes assis dans un de tes 15 divans, ça, hein? Non, j'écoute dans ma chambre. Ça s'écoute pas assis, je trouve. Tu fais des devoirs, là? Non. C'est mais c'est très énergique, là. T'écoutes pas ça assis, Mathieu. Tu peux pas juste être assis dans ton salon puis rien faire. Faut que tu fasses... Tu sais, je m'entraîne là-dessus. C'est fun. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, très bon. Late of the Pier. Et je suis content. C'est la première fois que je vous entends dire ça à propos d'une chronique de quelque chose que j'apporte. Quoique les années 80, je m'attendais pas à ce que vous disiez ça. D'habitude, on dit toujours « wesh ». Non, mais d'habitude, vous êtes très neutre. C'est trop bon. Ben là, ouais. Là, je suis contente, je vous ai fait réagir un peu. On va pratiquer nos réactions, Mathieu, pour la semaine prochaine. C'était super! Wow. Fait que comment qu'on traduirait ça, l'étape de pierre, toi? Hein? Qui est en retard? Retard. Non, ça, okay. C'est... La phrase ne fait pas de sens, late of the pier. Exactement, au moins on a trouvé retard quai, de la quai. Retard du quai. Ça se dit bien mal. C'est ça. Ouais, bon, donc late of the pier, et tu as un deuxième extrait à nous faire oui, ensemble. Oui, c'est justement la chanson que je parlais qui me fait penser à Queen de temps en temps. Allez voir le vidéoclip. Les 7 vidéoclips sont sur leur MySpace. Wow! Late of the pier. Alors, c'est ça, c'est la pièce Bathroom Gurgle qui me fait penser à Queen et Freddie Mercury. Ça, c'est du... comment c'est ça? Grrr, quand tu... avec le reste-bouche, là. Ouais. Gargarise! Gargarise, c'est ça. se gargariser dans la salle de bain. Voilà. On l'écoute tout de suite. Wow. On n'a pas de sens, hein? Les traducteurs. Aucun sens. We have all been wasting our time. Assemblage requis à la chronique Ton plat favori avec Mathieu, Kiwan et Stéphanie. Ouais, on mettait en question mes goûts là, là-dedans. Ouais, avec Mika et le rose bonbon. J'aime ça, Mika. Joyeux. Donc, toi, ça te faisait penser à Mika. Ben, non. Parce que Freddie Mercury est un petit peu l'inspiration de Mika. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'aime c'est vrai mieux Freddie Mercury. C'est vrai que c'était très new wave, cette pièce-là. Ouais, très, très, très. J'aime mieux Fucker. Fucker, c'est vraiment ma chanson préférée de l'album. Là, et débile. Celui-là est un petit peu plus new wave. J'avoue, entre les deux, j'ai préféré moi aussi Fucker. Mm-hmm. Moi aussi. Tu vois, on est honnête là, avec nos réactions. Là. Tu veux? Ça manquait de... C'est donc bon! Mm. Merci. Ben ça, tu le faisais pendant que ça jouait tantôt. Avec cette voix féminine. Là. Ouais, exactement. Bon, donc, merci Stéphanie Gagné avec Late of the Pier comme artiste. Très bon choix. Merci bien. Et si on veut faire d'autres découvertes de groupes que tu aimes, on peut faire ça dans l'émission Lapin Bêche en mission. Une. Donc, Lapin Bêche en mission, c'est dans quelques minutes. Et qu'est-ce qu'il va avoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va avoir aujourd'hui à l'émission? OK Go, que je me suis enfin procuré, parce que, tu sais, on sait qu'ici, on peut pas avoir OK Go, parce que Mathieu l'a tout le temps. Il n'en pas, mais pas de ma faute, là. Ben, c'est ça, tu sais, comme, il y a plein d'autres séries que je voulais, mais là, je suis allé au HMV cette semaine pour me le procurer. Ah, donc, tu te l'es procuré, tu l'es pas juste procuré. Non, je ne me procure pas de la musique comme ça. Alors, c'est ça, OK Go, Kazabian, We Are Scientists, Block Party. Bon, c'est ça. Dima, Ryan Adams, The Replacements, Brian Adams. Pas Brian, Ryan. Okay. R-Y-N. Comme dans CDR, comme dans Télécopier, non? Hein? Quoi? Tu l'es vraiment procuré. Tu l'es procuré. OK Go, oui, ouais. Je me le suis procuré, regarde. Ah, wow. Et j'ai trouvé le CD assez intéressant. J'aime bien la pochette à l'intérieur. Je pense qu'on avait dit qu'on faisait ça vite, cette intervention-là. Ouais. Ouais, fait qu'on te retrouve dans environ 10 minutes à l'émission Une pain bêche en mission. Bonne merci, émission. Kiwan. Oh, à tantôt. On est rendu à la deuxième partie de Vidéo Adore la question. Toujours sur les hippies, les gars vident cette question-là là, comme des maîtres hippies. Parfois, on écoute la deuxième partie tout de suite. Vidéo Adore la question. Suite à mon premier party hippie, j'étais prêt à révolutionner le monde, à tout changer. Fait que je suis allé à une réunion à la salle Émile Legault du Cégep Saint-Laurent pour voter une motion de grève. Pis là, il s'est passé quelque chose de vraiment fucké avec mon ami Nicolas. Et là, ça, c'est très important, cette manifestation-là. Faut que tout le monde soit là. Là, il y a des autobus qui sont prêts à partir et il va y avoir le vide-cours. Hey, on n'a pas le quorum. Allez me chercher du monde des corridors pour qu'on ait le quorum. T'as pas le temps de voter à la grève, là, ça prend le quorum. Nicolas, c'est qui? Ah, oh, shit. C'est vrai, Nicolas, il est épileptique. Ah, oh, hey, il fait une crise d'épilepsie. Attendez, c'est pas une crise d'épilepsie pantoute. C'est un message de Dieu. Quoi? Donnez-moi ce crayon-là. Regardez, je vais y mettre entre les deux orteils et... voilà. Hey, on regarde son pied. Le pied de Nicolas se fait écrire tout seul. C'est Dieu qui nous parle. Son pied écrit tout seul. Son pied écrit tout seul. Mais voyons, qu'est-ce qui écrit? Ça ressemble à des lettres de l'alphabet. Je sais pas, c'est peut-être écrit en roumain. C'est des lettres de l'alphabet, mais elles sont vraiment bizarres. Ils restent à l'envers. Oui, sont à l'envers. Allez chercher un miroir. Allez me chercher un miroir. Léonard de Vinci écrivait à l'envers, lui. C'est peut-être Léonard de Vinci qui nous parle. Il écrit ça avec son pied gauche parce que je pense que Léonard de Vinci était gaucher, lui. Ben là, ça se peut pas. Léonard de Vinci qui nous parle au travers du pied de Nicolas. Léonard de Vinci écrit ça en roumain. Brillant comme il était, ça se pourrait qu'il nous écrive en roumain. Eh non, vous êtes tous dans le champ, là, arrêtez ça. Ah oui, c'est même pas Léonard de Vinci, votre affaire. C'est rien qu'une crise d'épilepsie. Non, gang, là, j'ai vraiment le feeling que c'est Léonard de Vinci qui fait que le pied de Nicolas écrit en roumain. Et y a-t-il quelqu'un qui parle roumain? Hein? Allez me chercher un roumain! On a besoin d'un roumain! Finalement, on a trouvé un roumain puis un miroir. Puis on a réussi à lire ce que Léonard de Vinci nous a écrit en roumain au travers du pied à Nicolas. Il nous demandait de se rendre dans le désert pour y vivre une initiation à l'amour libre. Tout d'un coup, être un hippie était devenu vraiment fucké. I'm a lizard king. I can do anything. Moi et ma bande de hippies, on a suivi le message que nous avait dicté Léonard de Vinci au travers du pied à Nicolas, puis on s'est rendu dans le désert du Nevada pour y rejoindre une autre communauté hippie dans un grand regroupement, dans un rainbow. Puis là, dans le rainbow, j'ai eu des relations sexuelles avec plein de femmes différentes. Je prenais de la drogue tous les jours. Je me sentais toujours bien dans ma spiritualité, mais tout a basculé. Le jour où une femme est venue me voir avec un tas de guenilles dans les mains, tout de suite après que j'aie mangé beaucoup de peyote. Peut-être beaucoup trop de peyote. prendre des grandes respirations. Salut, Luc. Salut. Oh, regarde. Oui? Je te présente notre enfant. Notre enfant? Oui, le fruit de notre amour. Le fruit de notre amour, j'ai fait l'amour avec toi? Tu viens pas. Ben là, attends un peu, là, écoute, j'ai tellement fait l'amour avec des femmes différentes. Si je remonte à 40 semaines, ça fait loin, là. Ben oui, Luc. À côté de l'étang, on était 6, faisant noir. On était six. Ça veut pas dire que c'est moi le père, on était 6. Mais j'ai senti que c'était ton sperme qui m'a fécondé. Ton sperme, Luc. Et c'est là que le boss du peyote agissa. Ton sperme, Luc. Nos enfants appartiennent à la communauté. Ton sperme. J'ai senti que c'était ton sperme qui m'a fécondé. Donnez-moi la réalité, papa! Alors, qu'est-ce que t'as pris, là? Du peyote, j'ai pris du peyote. T'as pris du peyote, Pierre, va chercher le guide, là, qu'ils nous ont donné à la police. Donnez-moi la réalité. Ok, va aller chercher le guide. Regarde-moi, là. Qu'est-ce que t'as? Calme-toi, là. Je me sens pas bien. Donnez-moi la réalité, là! Non, c'est peyote. Peyote avec un T, Pierre, peyote. Ok, je l'ai trouvé. Bon, regarde-moi, Luc. Oui. Est-ce que tu vois les sons? Hein? Est-ce que tu entends les couleurs? C'est exactement ça! C'est ça que je ressens, là. Je vois les sons, j'entends les couleurs. Bon, ben là. Le boss va être fini, là. Non, c'est pas fini, non. Qu'est-ce qu'il y a, là? On l'a trouvé, là. Luc, il est 3h du matin, là. Va te coucher. Je me sens pas bien, là. Et là, ma mère, ça y a pris tout son petit change. Et elle m'a dit... Je t'aime, Luc. Et c'est là que j'ai décidé de ne plus être un hippie, mais de devenir un rockabilly. À place. Vidon adore la question. C'était une autre capsule de Vidon adore la question sur les hippies cette fois-ci. Une capsule classique de 2007. Donc finalement, la morale, c'est de devenir un rockabilly. J'imagine que les drogues sont plus douces dans le milieu rockabilly, je sais pas. Bonne question, hein, Stéphanie? Tout à ma genre de phrase. Hein, Stéphanie, qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a rien à voir. Voilà, donc c'est la fin de cette capsule, mais c'est aussi la fin d'Assemblage requis pour la journée, pour la semaine au complet, hein, parce que nous, on est off les vendredis. Par contre, je vous invite à écouter les Palmarès C'est fou demain à 17h. Et sinon, ben qu'est-ce qu'il y a sur nos ondes? C'est une pubèche en mission à partir de 17h, puis il y a la Spirale à 18h, et Skypunka en fin de soirée avec un petit peu de punk, ska, rock, oi, spring, spong. Ça va être ça le nom de l'émission. Tout à fait. Sinon, nous, on se retrouve, Mathieu, et on retrouve les auditeurs lundi prochain à 15h pour Assemblage requis. Il va y avoir Maddy avec sa chronique Télécharge quoi, alors soyez à l'écoute. Et aussi, je vous rappelle, si vous avez le goût de faire une bonne action et d'aller voir un bon petit spectacle sympathique samedi qui s'en vient le 27 février à la Galerie d'art L'Appart, le groupe Haut-Parleur, spectacle bénéfice pour Haïti, encouragez-les. Bonne idée. Et si vous avez raté un moment d'émission cette semaine, écoutez, les meilleurs moments de C'est fou, c'est demain, vendredi à 6h30 et samedi à 14h. Et les balado-diffusions et les liens d'émission sont sur assemblagerequis.com. Parfait. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Bye. Bonne émission, Stéphanie. Hein, Stéphanie? Hein? Hein? Hein, Stéphanie? Hein? Hein?